décompte passé. Avec vous, en pays non Haïti chérie. Cognier à nous séparer. Moi je vous fais mal au pays quand la vie à doué. N'obligez résilier. Chaque jour me lever. Parce que bonheur moi. Mais pas j'oublie que c'est pour m'a souffrir. Dans un pays qui pas fait pour moi. Moment que me décon passé avec vous en pays nous Haïti chérie. Cognier à nous séparer, moi nous vais mal au pays comme la vie à doué. L'obligé résilier, chaque jour me lever, ma vie retourner dans Pierrot. Parce que chérie, c'est au plus de bonheur, moi. Mais pas j'oublie que c'est pour m'en souffrir. Dans un pays qui n'est pas fait pour moi.